L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Même supermassif, les trous noirs sont des objets qui peuvent prendre leur temps. XJ 1500 plus 154 est de ceci. Ce trou noir a commencé à avaler une étoile après l'avoir détruite il y a plus de 10 ans et n'a pas fini son festin. Généralement, une destruction d'étoiles par un trou noir supermassif, par ses effets gravitationnels, une crêpe stellaire flambée, dure environ un an avant que tout le gaz soit absorbé par le trou noir. Dans ces événements, la matière de l'étoile qui se retrouve accrétée est échauffée à très haute température et rayonne intensément en rayon X. C'est une telle bouffée de rayon X qui a été observée par le trio de télescopes spatiaux à rayon X, Chandra, Swift et XMM Newton. L'équipe menée par Dacheng Lin de l'université de Durham surveille fréquemment cette source X située au centre d'une petite galaxie à 1,8 milliard d'années-lumière et qui fut détectée pour la première fois le 23 juillet 2005 par XMM Newton, alors qu'elle n'apparaissait pas au même endroit dans une observation de Chandra faite 3 mois avant, le 2 avril 2005. Un maximum d'intensité a d'ailleurs été observé par Chandra le 5 juin 2008 avec une augmentation d'un facteur 100 en luminosité X. Quelques dizaines d'événements de destruction gravitationnelle d'étoiles ont été repérés depuis une vingtaine d'années, mais aucun n'a duré aussi longtemps que celui de XJ 1500 plus 154. Les astrophysiciens qui publient leurs recherches dans Nature Astronomy pensent que l'exceptionnelle durée de l'émission de rayons X associée à la destruction de cette étoile implique qu'il s'agit de la plus grosse étoile déchirée par un trou noir jamais observé, avec une masse au moins 2 fois plus forte que celle du Soleil. Mais les observations plus récentes montrent un élément étonnant. Le rayonnement de la matière entourant le trou noir aurait dépassé la limite d'Eddington de manière continue durant toutes ces années. La limite d'Eddington, du nom du célèbre astronome britannique Arthur Eddington, qui a élaboré cette idée en 1921, est la limite de luminosité d'un objet à partir de laquelle la pression du rayonnement devient plus forte que la force de gravitation, ce qui signifie une dispersion de l'objet en question au-delà de cette limite. Dans le cas de ce gaz en accrétion autour du trou noir, son rayonnement extrêmement intense ne permettrait cependant pas de contrecarrer le champ gravitationnel du trou noir. Et ce n'est pas le premier trou noir qui est observé en dépassement flagrant de la limite d'Eddington, mais cela concernait surtout des trous noirs stellaires. Les spécialistes ont conclu que ces trous noirs supermassifs peuvent donc continuer à grossir en avalant de grandes quantités de matière, même rayonnant intensément sur de longues durées. La limite d'Eddington, que l'on pensait valable pour les trous noirs supermassifs, fixant donc une limite à leur taux de grossissement, qui est lié au rayonnement de leur disque d'accrétion, se révèle donc de plus en plus inappropriée pour ces objets extrêmes. Ce pouvoir de dépasser allègrement la limite indique que les premiers trous noirs de l'univers auraient pu grossir beaucoup plus rapidement que ce que l'on imaginait en leur affublant la limite d'Eddington. D'après des simulations qu'ont effectuées Dacheng Lin et ses collègues, le gaz résiduel de l'étoile déchiquetée, en rotation autour du trou noir, devrait finir par disparaître totalement dans la prochaine décennie, menant alors à une forte baisse de luminosité X de XJ 1500 plus 0154 dans les années qui viennent. Ce que ne manqueront pas de suivre les astronomes pour valider leur scénario. L'article de Dacheng Lin et ses collaborateurs s'intitule « A likely decade-long sustained tidal disruption event » et il est paru dans Nature Astronomy, volume numéro 1, article numéro 33. Je mets le lien en bas de ce billet, comme d'habitude. N'oubliez pas que nous sommes toujours en train d'essayer de récolter quelques petits fonds pour financer l'événement Lyon Science 2017 qui aura lieu donc à Lyon le 2 avril prochain et où vous pourrez retrouver de nombreux vulgarisateurs de science qui vous parleront de choses diverses et variées sur le thème de la couleur. Et vous pourrez m'y retrouver en chair et en os, oui. Votre serviteur vous parlera du noir. Et devinez de quoi exactement ? Eh bien, des trous noirs. Bah oui, voilà. Et voilà, donc vous retrouvez le lien sur le blog. N'hésitez pas à participer, même un tout petit peu. Cela nous aidera beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci à tous et à toutes. Allez, restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des crêpes stellaires flambées se contemple indéfiniment. Je sais, j'aurais dû faire ce billet le jour de la Chandeleur, mais voilà, quelques jours après. Ah ouais, c'est ainsi. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, hein. Restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut !